êtes-vous encore là? Il est 3h29 du matin. Ah, comme disait Sylvie Dorion. Non, c'est Sandra, excuse-moi. Cindy Dorion, c'est qui celle-là? Ouais, excuse-moi, je me sens... C'est une ancienne chick, excuse-moi. C'est genre, je mélange toujours Cindy Dorion puis Sandra Dorion. Il y en a une qui est cool, pas l'autre. Je vous laisse deviner lequel. J'ai pas de misère à savoir qui est qui. C'est le fun d'avoir 23 ans puis pas comprendre le référent. Non, non, vivre dans la nuit, c'est de même que je veux faire ça. Avoir 23 ans puis pas comprendre le référent. C'est beau, notre jeunesse. Mais c'est genre, c'est une madame qui était dans un band qui s'appelait Nuance, qui a fait une chanson qui était « Il est 4 heures du matin, je travaille pour mon gang-pain. » Hey, si je chante assez correct, j'ai-tu des droits d'auteur après qui viennent directement à moi? Sûrement, les redevances. No. Ah, fuck off. Ben, tu vas marquer, P.A. a chanté ça. J'ai encore dit Cindy Dorion. Excuse-moi, Cindy Dorion, je l'ai vraiment pas oublié, cette fille-là. C'est qui, Cindy Dorion? Hey, s'il y a une Cindy Dorion qui nous écoute à soir, tu nous appelles, puis tu gagnes. Fais encore de rien, mais tu fais notre soirée. Tu gagnes ton t-shirt. Tu gagnes ton t-shirt. 640-1586. Cindy Dorion. Yes. Ah ouais, Cindy, call-nous. Est-ce que son famille, c'est... Oh, attends, infirmière auxiliaire au CHU de Québec. Hey, non. JJJJ, s'il te plaît, man. Va pas là, s'il te plaît. Il y a comme Cindy Dorion puis Linda Pinesse, genre, ne va pas là. Hey, ça avance parce que dans 30 minutes, on va... Switcher à les gens Les gens du matin. Les oiseaux du matin. On vient d'entendre en plus la pièce s'appelle Ballad of the Golden Bird. C'est un peu. Ça ouvre la parenthèse, non? Ouais. Parce que c'est clairement pas nous autres, là. Nous autres, on est les oiseaux de nuit, là. Genre, on est les Blackbirds. J'ai une bonne idée. Oui. Il reste 30 minutes. On met Wicked Game tout le reste de la soirée. Pour vrai, je suis down pour mettre. Je pense que la prochaine personne, c'est moi, là, je pense. Ah, c'est à toi? Ouf. Préparez-vous à des mix d'une galaxie près de chez vous. Non! De ce temps-ci, c'est vraiment qui a été mis. C'est vraiment mon gros cue de la soirée. Ouais, vraiment vrai, mon gros shootout. Sur YouTube, sur YouTube, présentement, il y a toutes les saisons de 4,5. Sérieusement, si vous avez envie d'écouter quelque chose de moche, de vraiment pas très bon, mais tellement sympathique, écoutez 4,5. Ben moi, je pense qu'on devrait faire un mash-up entre le générique de 4,5 puis celui de l'héritage, puis juste passer ça pour la prochaine demi-heure. Hey, on parle pas de Victor Lévy Beaulieu ici, là. Moi, je parle de Victor Lévy Beaulieu où je veux. J'ai parlé de ça avec Grondin, j'ai inventé l'expression « ma maison, mes cochons ». Genre, tu parles pas de ces affaires-là chez nous. Genre, mes affaires, mes cochons. Bon. Ben, exactement. Big up à Junior Galarno. Ah, c'est quoi votre corps, la petite table, Nathalie? La petite table. Ah, je peux pas croire que je viens de dire ça en onde. Roxane Arcand, je te déteste. Wow, non. C'est dit, on connaît maintenant à 3h32 et 37 secondes. Roxane. Tania te déteste. Mais non, on t'aime, Roxane. Gros, comme 6 tracteurs. John Deere's. Hey, c'est le fun de ça, mais on a de la musique encore. Puis je vais mettre une toune, puis on va faire un switch discret après. Parfait. Puis je vais mettre une pièce que moi, j'aime vraiment beaucoup, puis que je passe à chaque année. Hey, là, je peux pas croire que j'ai pas passé aucune pièce de Thornstart Band depuis le début. Ben, dans les habitués Thornstart de Band, on a aucune toune d'eux autres. Ceux qui ont sorti 5 albums l'année passée, qu'on ne nommerait pas non plus. Non, mais on est bon. Madame Bélanger s'en occupe, je pense, dans la prochaine. Ouais. En fait, là, j'ai deux pièces qui s'en viennent. J'ai une pièce de Destruction Unit. Oui. Bumpy Road, puis après, on va mettre une pièce de Thornstart Band. Puis après ça, P.A., je te laisse finir avec Wicked Game, si tu veux. Ah, c'est clair, ça va finir par Wicked Game. Non, on va faire un call. Juste être sûr, tu mets deux tonnes. Oui, mon ami. Puis après ça, P.A., le champ libre. Oui. Il était 33, là. Oui. Nice, c'est qu'on a 20 minutes de Wicked Games au moins. Non, parce que je passe deux tonnes de 8 minutes. À 3h33, si la tendance se maintient, on vous dit que Wicked Game va jouer, mais qu'on va faire un call radio juste avant pour que vous êtes sûr que vous avez été des Wicked Games, puis qu'on va dédier cette chanson-là chacun à quelqu'un. Puis ici, les prochaines personnes qui nous appellent au 418-640-1586, moins vite, s'il te plaît, Jay. Bonne soirée. C'est n'importe quoi. Jay va dédier la prochaine personne. J'ai hâte de me réécouter sur ça. Moi, j'ai hâte de te réécouter. Thank you. Sénécal, t'es-tu encore avec moi? Oui, bien sûr, de retour. Yes! Comment ça va, ma belle Tania? Ça va bien, mon beau Jérémy. On achève! Oui, d'ailleurs, j'écrivais à Catherine savoir si ça s'en venait bientôt. Elle est en attente de François Sam, donc je suis pas sûr qu'ils vont être en retard. Ben, on va avoir le plaisir de rester plus longtemps, puis on va vous faire languir un peu plus pour la fameuse pièce tant attendue de la soirée qui est Wicked Game. On l'attend avec impatience. Puis là, ben, c'est PA qui va embarquer pour le dernier droit jusqu'au changement de chiffre. Ouf! Ok, oui. Oups, I did it again. Puis on va se le dire, la dernière fois qu'on a entendu les sélections de PA, c'était une affaire assez... Oh, éclectique. Weird. Éclectique, je pense que c'était le mot. Dans 20 ans, on va comprendre. On va se dire que la dernière tune c'était pas le piché. OK. Sinon, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que je peux vous dire des... Est-ce non, mais j'aimerais ça que tu me parles. Parle-moi. Ben, moi, j'ai des facts à propos de Chris Isaac. Oui, vas-y. D'ailleurs, son prénom au complet, c'est Christopher Joseph Isaac. Né en 56, quand même. Il est âgé, je le pensais pas aussi vieux que ça. Ben non, dans le fond, 61 ans, c'est pas si pire. C'est genre presque Tania. Il a l'âge de mon père. Ah, presque Tania, comme je disais. Né en Californie, à Stockton. Puis c'est ça. Il a été éduqué. Grosse carrière, hein? Musicale. Quand même! Si tu veux me relancer, Tania, garde-toi, parce que là, j'essaie de trouver des facts, puis il n'y en a pas beaucoup sur Wikipédia. Je suis un ben, peu en fait, l'affaire la plus cool avec Chris Isaac, c'est qu'il a joué dans le film Twin Peaks. Oui, oui, de David Lynch. Et c'est un personnage qui disparaît dès le début du film, et dont on n'entend plus vraiment parler après. Comme un peu... Et il a fait la trame sonore du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Il y a quand même un genre de background cinéma un peu machin, Chris Isaac. T'sais, il y a comme un aura de mystère, mais tu sais. Puis ce gars-là, en fait, son gros hit, c'est Wicked Game, qui est sorti en réalité en 87. Mais il y a eu un succès commercial en 91 parce que c'est David Lynch qui l'a sorti de là en sortant son film Sailor and Lula. Sur la trame sonore avec Wicked Game, et là, il a ressorti son clip, là, c'est devenu un gros hit. Fait que c'est David Lynch qui a sauvé le cul, man. Ouais, mais on peut s'entendre, là, on s'est dit que c'est un one-hit wonder, là. Ben, même pas grâce à lui-même, là. Mais honnêtement, j'ai déjà écouté un album de Chris Isaac au complet, puis c'était vraiment bon. Ouais. Pour vrai? Ouais. Mettons, à nos auditeurs, là, à nos quatre auditeurs, tu conseilles, c'est quel album qu'il faudrait écouter? Ah, oh, Seigneur, pourquoi tu me poses des cols de même, là? Il est 4h du matin, j'ai plus de tête. Moi, je te dis que tous les albums de Chris Isaac sont excellents parce qu'il y a comme une touch bluesy puis il y a une touch un peu désert, tu sais, c'est comme est-ce un gars du désert. Il y a une touch psyché pour ça qu'on fait jouer ça à soir, dans le fond, nous, parce que c'est psyché puis Chris Isaac. C'est zéro psyché, Chris Isaac, c'est juste porno. Voyons, il y a des esti de tonnes psychédéliques, c'est magique, là. C'est pas psychédélique, mais non, Blue Hotel, je te jure, c'est hallucinant, là. Non, ça dépend si t'as bu 4 four locaux avant. Hey, j'ai, Parle pas de mes consommations, s'il te plaît. Mon œil, écoute ça, ton fils, t'es un dépravé. Elle le savait déjà. Bon, hey, sur ça, on se met-tu Wicked Games? Ouais. T'es-tu branché, mon petit gars? On est-tu vraiment ready? On est-tu rendu là? Non. En tout cas, vas-y, si vous avez mon vraiment père, t'es capable. Sinon, on vous rappelle qu'on est ici dans le cadre des Nuits psychédéliques de Québec. Les billets sont en vente au pointdevente.com ou chez notre super disquaire, le Knockout. Tania, je te laisse relancer ça. Oui, donc venez nous voir au Knockout. C'est 30$ pour 3 jours, 14 bands. Band. C'est pas cher du band, ça. C'est combien par band? Si on split, fait... là, vas-y, attends, là, t'es là avec ton cellulaire et tu fais rien. Hey, attends, on y va. Attends, fait que là, on a dit 30$ divisé par 14. Hey, ça revient à 2 et 14 le band, c'est pas cher, là. Hey, c'est limite, là, on vous paye pour que vous venez. Ouais. Puis en plus, oh oui, hey, attends, on peut en profiter pour plugger des commandites tant qu'à ça. Vas-y, mon ami. Oui, en tant que responsable des partenariats de chez les Nuits psychédéliques de Québec, je vous annonce qu'on fait encore une fois affaire avec Farnham. Fait qu'à la place que, mettons, soit, mettons, un gros festival qui vous cherche 6,75 pour une canne de Bud ou quelque chose comme ça, de 330. De Coors Light. Ouais, de Coors Light, c'est ça. Nous, on vous envoie ça, la belle Farnham 473 ml à 6,50. Ça va être incroyable. La bonne Farnham, on va avoir de la IPA, de la blanche, de la blonde, de la rousse, tout ce que vous voulez. Sinon, si on peut encore plugger des commanditaires, ben on remercie l'Impact, la boîte à pain, le Pantum, qui sont des fidèles partenaires. Grendel, Oui, Grindel, tout à fait. On fait en fait un after party là-bas le 26. Après le Pantoum, directement, on traverse la rue, on traverse Saint-Vallier, on fait 30 secondes de marche et on se rend au Grindel pour un after party. Puis ça va être PA, justement, un des co-animateurs de ce soir qui va faire un petit DJ set. Ça promet d'être bon. On va entendre Wicked Game 4-5 fois minimum. 4-5 fois minimum. En fait, c'est même pas un after party, c'est juste comme on va là pour frencher en écoutant Wicked Game. C'est vraiment une pogne là, mais ouais, c'est ça. Ça fonctionne? Non, moi j'ai du. On essaie. Ah? Oh, ouais, il se passe quelque chose. On avait des petits problèmes techniques, mais on n'est pas obligé de vous en parler. C'est tellement pas intéressant. Fait que oui, le Grindel, ça va être l'after party. Puis en fait, on va le dire, le Grindel, il s'est comme rendu un peu un commanditaire récurrent parce qu'on a fait chez eux le bingo de dévoilement. Ouais, lancement de la prog qui était là. On a fait l'activité after. Bénéfice. After activité bénéfice après le 24 novembre. Il y avait le show des. Du Pantoum avec Double Date with Death, Def et Moto Diamond. Fait que c'est ça, le Grindel qui est vraiment impliqué dans la vie culturelle de Saint-Sauveur et tout ça, qui nous encourage beaucoup. Fait qu'on les remercie, c'est bien gentil, bien apprécié. Et on s'en va en musique? Oui, on est prêt là. Excellent. C'est là que ça se passe. Wow. Aïe, aïe, aïe. Je n'aurai pas les moules. Terre. Je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini, où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur Neptune, pour y faire fortune. Je veux aller sur Pluton, pour y chanter mes chansons. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Oui, je veux m'évader, loin de cette planète. Je veux aller m'abreuver, dans l'eau d'une comète. Je veux aller sur Andromède, brûler les feux qui m'obsèdent. Ou jouer de la guitare, au clair d'un quasar. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur la lune pour goûter les pommes de lune. Je veux entendre la musique que jouent les rayons cosmiques. Déjà je rêve au jour où céleste troubadour. J'atteindrai fébrile la singularité de Schwarzschild. Oh, que vais-je découvrir? Les cieux vont-ils s'ouvrir? Pourrais-je y pénétrer, tel autrefois Orphée? Aurais-je atteint le paradis où les anges ont logis? Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères, partir dans l'infini, où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes. Quelle heure, là? Il est 4 heures. 20 secondes, 21, 22, 23. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous autres, on a fini, puis qu'il y a François Sam puis Catherine, l'autre côté de la vitre, qui ont hâte qu'on sac notre camp. Salut, parce François, qu'ils sont en Sam, feu. Salut, François Sam, salut Catherine. Ça va? C'est du monde. Hey, venez donc avec nous autres. Venez donc. Venez vous en. Venez donc. Bonjour, la nuit psychédélique, ville de Québec. Salut, François. Hi, Kat. Kat, il y a un micro pour toi ici. Ben, hey, on achève et tel que promis, en fait, chose promis, chose due. Attends, mais est-ce que t'aurais quelqu'un à dédier? Non, moi, je dédie la chanson, là. Ouais, moi aussi. Mais Jérémy, vas-y en monde, premier. Tout le monde, au moins 3 personnes à dédier cette chanson. Ben, moi, je la dédie à Jérémy. Ouais, moi aussi, je la dédie à Jérémy, à Émilie, puis je la dédie à Catherine aussi, je la dédie aussi à Tania, puis à François Sam. Ouais, moi, François. Dédié, Moi, ton tétine, je vais le sucer d'ici la fin de la soirée. Oh shit. Ok, hey, attends, fait j'ai que. J'ai pas dédié ma toune. Ben vas-y, là, okay, accouche. Moi, j'ai dédié à. Hé, hey, c'est lourd, hein. Éléonore Bouchard, si t'écoutes ça, bébé, c'est pour toi. Ça m'écœure vraiment de savoir que t'as une vie sexuelle. Hey, hey, j'ai pas de vie sexuelle. Oh! J'habite à Val-Bélair. C'est hey. Clair. Je coucherai jamais qu'un gars de Val-Bélair. C'est ça. Ben, c'est la morale de tout le monde. Hey, c'est la fin pour nous autres. On s'en va écouter Wicked Game de Chris Isaak. Je peux pas croire qu'on fait ça. Je suis gênée. P.A. T'as déjà fait pire. C'est parti. Salut. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bye. Bye. With you. Bonsoir Québec et bienvenue à cette deuxième portion de la nuit psychédélique des nuits psychédéliques. Nous allons commencer de manière psychédélique avec le groupe Mien et Ecolalia. I'm Ainsi s'achève cette première sélection de la deuxième partie de la nuit psychédélique, des nuits psychédéliques. François-Samuel Fortin en compagnie de Catherine Bélanger, à qui je vais ouvrir le micro qui a l'air vert, mais je ne sais pas s'il est vert ou jaune. On va voir ça. Vas-y. Vert ou kaki? Vert ou kaki. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, toi? Comment tu te sens pour ta première expérience radiophonique? Un peu matinal. Il faut dire qu'il est soit la nuit, soit le matin. Ça dépend comment vous vous situez. J'espère que les gens ici viennent pas de se lever. J'espère qu'ils sont juste pas encore couchés. On salue les gens à la maison. Il y a Paul, Patrice et Jérôme, puis Georges. On connaît vos noms. Non? J'imagine que vous êtes à peu près 8. Fait que j'en ai nommé 4. Les 4 autres, c'est sûrement des filles. Parce que là, ben, j'ai juste dit 4 noms de gars. Puis là, on est en 2018. Hein? Oui, la parité. La parité. Alors, on est 50-50, nous, contrairement à la première portion de des nuits psychédéliques, qui était 2/3, 1/3. Mais le tiers était tellement fort que c'était au moins 50-50, dans le fond. Ouais, oui. Autrement, ça aurait été honteux. Ça aurait été honteux. Fait que le groupe qu'on vient d'entendre, c'était Mien. Il y avait Richie Dyr, fondateur de Elephant Stone, et aussi un autre gars qui joue du rock dans les Black Angels, que j'ai pas son nom sous la main et que j'irai pas le chercher pour vous. Mais vous pouvez aller le chercher à la maison. Et d'ailleurs, tu nous as choisi une chanson des Black Angels. Hein, Catherine? Ne nous as-tu pas choisi une chanson? Oui, c'est du dernier album, Dead Song. Le titre, c'est Half the Living. Oh yeah! Voilà. On va aller écouter ça. En espérant que ça fonctionne. Ça fonctionne. Salut. et dans notre démarche logique, nous allons écouter la prochaine chanson de Elephant Stone, le titre « Photograph ». Et la raison pour laquelle on va faire ça, en fait, c'est que, comme dans Black Angels, avec le gars qu'on n'a pas nommé parce qu'on sait pas son nom, il y a un gars de ce groupe-là, Elephant Stone, qui était dans le mien, avec le groupe avec lequel on a commencé, hein, Catherine? Oui, exactement. Le groupe qui est composé du gars d'Elephant Stone et d'un gars de Black Angel, dont exact. On ne connaît pas les noms. Donc voici une toune d'Elephant Stone pour compléter cette espèce de trilogie infernale. Oh! Voilà, c'était Elephant Stone. Maintenant, on va continuer avec un petit truc exotique. Parce que moi, j'aime ça, mettre des petits trucs exotiques. Alors, voilà. Ce sera pour compléter l'exotisme amorcé en Extrême-Orient avec Richie, dont les origines sont indiennes. En fait, hein, il joue du sitar, de la sitar, du sitar, de la sitar. Je sais que les deux existent. Je ne sais jamais lequel est lequel. Et c'est ça le problème. Toi, Catherine, est-ce que tu joues du ou de la sitar? De la société, donc du ou de la, de le sitar. De le, on joue de le sitar. Et d'ailleurs, dans Altingun, un groupe qui est également exotique et qui sera au Festival d'été, je crois qu'ils font du psyché-rock turc, originaire du Pays-Bas. Alors voilà, l'album est sur Bongojo Records, il s'appelle On, comme dans ouvert ou dessus, hein? C'est comme le sitar ou la sitar, on le sait pas si c'est ouvert ou dessus, On. Mais Altingun, ils seront suivis, je crois, par des Algériens. Ils sont suivis de près, il y a une traînée de poussière là en arrière. Ça s'appelle Imaran, hein? et je vais faire jouer Altingun et Imaran. Génial. We'll be right back. havası viran olmuş gitmiş aran olası aran olası iyi günün dostu sürmüş sefası sürmüş sefası canım dostum diyen dostların hani kötü günde hani cani cani cani işte meydane iyi günün dostu dar günde hani kötü günde hani cani cani cani işte meydane iyi günün dostu dar günde hani kötü günde hani heyalar beyler size de kalmaz size de kalmaz ölenler dönse de bir sultan dönmez bir sultan dönmez Yiğitler ölmez, ölenler dönse de bir sultan dönmez, bir sultan dönmez. Cani cani cani, işte meydane, iyi günün dostu, dar günde hani, kötü günde hani. Cani cani cani, işte meydane, iyi günün dostu, dar günde hani, kötü günde hani. Et voilà, c'était Imaran avec la pièce Toshal de l'album Temut. Je prononce mon arabe comme un vrai biélorussien. Je vous passe Catherine qui va vous parler d'un grupo fantástico de música. Oui, je vais vous parler de La Luz avec mon pas d'accent espagnol. Oui. On va vous jouer deux beaux singles de ce band à l'occasion de... Oui. Ça d'ailleurs, il y a quatre filles. Je me demandais si c'était les quatre qui nous écoutaient. Oh! Ginette! Elles vont être contentes de savoir qu'on en met. Oui. D'ailleurs, ces quatre femmes fabuleuses étaient présentes à la dernière édition de South by Southwest. Et vu qu'ils ont joué deux showcases, on va mettre deux singles. Quel concept! Incroyable! C'est quand même assez fou. Et vu qu'on est le matin, puis qu'on est gelé. On n'est pas gelé, c'est pas vrai. On va mettre Morning High. Magnifique. Et ensuite, on va mettre, vu qu'on va se battre à la face, on va mettre What Good Am I. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai qu'on va mettre ça, par exemple. Oui. Fait que La Luz. Et d'ailleurs, la demoiselle à gauche, qui est comme une demoiselle, comme les trois autres, a un tatou, contrairement aux trois autres, de notre fleur de lysée. Oh, spécial. Peut-être est-elle québécoise. Peut-être. C'est peut-être Ginette. C'est probablement Ginette. Donc, c'est sûr qu'elle écoute. Si elle a son fleur de lysée sur le bras droit, peut-être c'est son bras gauche. Des fois, la photo, hein, ça fait des c'est choses. Tu sais, t'es photographe. Oh. Et je vais mettre le bouton play à on et le bouton on à play. Oh. Avez-vous entendu le bouton? On l'entend jusque dans le micro. We'll be right back. comme promis, What Good Am I de La Loose encore. Voilà pour La Loose. C'était La Loose. Hey, Catherine. Si. C'était une belle sélection. Oui. Bon, c'était tellement une belle sélection que j'en parle mon espagnol. Tu l'as perdido. No puedes encontrar. La sélection que je vous ai choisie pour continuer cette nuit psychédélique, des nuits psychédéliques de Québec, parce qu'il faut rappeler que tout ça, on le fait pour le Radioton de CKRL du 6, 7 et 8 avril et pour les nuits psychédéliques de Québec du 26, 27 et 28 avril, me semble. Oui, exactement. Oui, exactement. Jeudi, vendredi, samedi. Catherine qui est membre officiel de l'équipe, contrairement à moi qui est membre officieux. Ooh. et ben, qui est un sympathisant depuis le tout début. On va, en parlant de sympathiser depuis le tout début, écouter Jonathan Gatt, qu'on a déjà eu aux Nuits psychédéliques de Québec, qui est déjà venu aussi au Festival Off, qui est déjà venu aussi à l'Anti devant 4 personnes, qui a coûté 1 500 $. C'était le fun. Moi, j'ai adoré ça, mais ça m'a rien coûté. J'étais super content de le voir avec juste deux amis, mais c'est ça. On va aller écouter deux pièces du nouvel album de Jonathan Gatt, et tu disais qu'il y avait un lien à faire avec le band qu'on va écouter ensuite, qui aurait des racines autochtones, peut-être, ou je sais pas quoi. Oui, native américaine, Native American. Dans les rythmes. Il y a d'ailleurs des rythmes Native American dans Medicine, le deuxième extrait de Jonathan Gatt. Il n'y en a pas dans Cockfight, le premier extrait de Jonathan Gatt, sur l'album à paraître tout à fait bientôt, qui s'appelle Universalists au pluriel. Sergio, Jonathan et je crois Gal Lazare qui est de retour dans le groupe, parce que le drummer de D-Roof, on peut pas le garder longtemps quand on fait des shows devant 7 personnes. Mais d'ailleurs, j'ai vu D-Roof à l'Anti aussi, qui a coûté probablement 2 000 $. Il y avait plus que qui avait annulé leur show au Centre Vidéotron, et on n'était pas 7, on était 14. Et je vais maintenant mettre Jonathan Gatt. Parfait. Parle. Ouais. C'est correct. Le monsieur parle, Catherine, là. Ah, oh, excusez, monsieur. Voilà pour le premier extrait de Jonathan Gatt que je vous présente, mais qui est le deuxième. Ça vient mêlant, hein? Là, je vais vous présenter en deuxième le premier. Hein? Et d'ailleurs, allez voir le clip du premier, qui est le deuxième, Medicine, qui vient de jouer. Il y a plein de beaux Amérindiens qui jouent du tambour dans un champ de neige et Jonathan Gatt joue de la guitare. Et en parlant de jouer de la guitare, il en joue sur Cockfight. C'est pas magnifique. Oui. D'ailleurs, j'aimerais dédier la prochaine chanson à Bruno Clément qui nous écoute. Vraiment, je sais que tu nous écoutes. On vous l'avait dit qu'on savait le nom de nos auditeurs. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu lui dédies? Cette chanson pour son amour pour les beats Native American avec mon bel accent anglophone. Cette chanson du groupe The Mirrors. Oui. Qui est tirée de l'album. Hasta la victoria siempre. No tenemos español again. J'avais oublié qu'on n'avait pas mentionné le nom de la chanson. Donc c'est une chanson qui vient de leur dernier album, sorti en 2017, je crois. Et elle s'appelle Organ Mantra. Exact. C'est-à-dire faire un mantra de nom d'organe. On dit pénis, pénis, pénis, pénis, pénis, pénis, pénis, pénis, pénis, pénis, pénis, pénis, pénis. Un mantra, c'est répéter quelque chose. Faut toujours répéter les mêmes mots. Ok, on va y aller. Fille, puedes esperar un poquito y un potico blanco al fille. Espera, espera. El sono se viene. C'est passé à 10 minutes, c'est normal, soyez long comme on sait. Le monde est plus patient de nos jours, hein? Thank you. On va maintenant faire une plongée au cœur de la musique beaucoup, beaucoup plus intense. C'était psychédélique et ça va l'être encore d'une certaine manière, mais ça va être vraiment explosif. On parle ici de Mark Edwards et Mick Barr de Bowels of Jupiter et la pièce Asteroid Belt. Vous allez voir, ça décoiffe. Bonne chance. We'll be right back. cette année, on y retrouvera Arctic Monkeys, Tyler the Creator, Chromeo. Pour plus local, on a Milk and Bone. C'est pas vrai. C'était le line-up. Doshega! Nous, aux Nuits Psychédéliques, on en reçoit des bands pas mal plus intéressants. Je vous le jure. Comme Wizard, Technicolor Blood, Les Vulvettes. C'est vrai, ça. Zara Dion. Et bien plus. C'est malade, Les Nuits Psychédéliques. Pour vrai, allez là, c'est à Méduse. Il y a un passeport pour 3 jours. Vous l'achetez au Knockout. Puis là, on écoute JC Satan, le nouvel album Centaur Desires et la pièce Erika. Très métal. Puis après ça, pour une sélection, et mi amiga, Catherine. Juste pour la deuxième personne qui nous écoute. On sait pas c'est qui encore. Eh bien, c'est comme ça que s'achève la pièce de JC Satan. Et je vous mettrai pas tout de suite la prochaine qui est assez nouvel âge. Non, c'est pas vraiment nouvel âge. Mais on va quand même continuer avec autre chose. Je vais vous présenter Catherine. Catherine qui a la bouche pleine en ce moment. Bonjour Catherine, tu peux rigoler un peu, je viens d'ouvrir ton micro. Excusez. Bonjour. Bonjour. Le prochain album, il a la même couleur que tes cheveux presque. Oh, justement beau. C'est beau. Oui. Excusez, là, je mangeais, je me suis fait prendre au dépourvu. C'est assez blasphématoire, le nom du groupe, hein, Catherine. Tu sais qu'il y a 50 ans, on se serait tous fait pendre. Donc, le prochain band, après tant de suspense, c'est Acid Baby Jesus. D'ailleurs, Il y a une joueuse de derby à Québec, son nom c'est Bébé Jésus. Hein? Es-tu sous l'acide? Je voudrais pas répandre les rumeurs. OK. Mais j'espère que pas pendant un match de roller derby, parce que c'est un sport assez spectaculaire. Hein? Oui, mais on joue pas sa drogue. Non, c'est ça. C'est pas un jeu. C'est pas... Rouler, d'ailleurs, rouler et droguer, c'est pas bon. La pièce s'appelle Tomboy. Oui. Parce que les Tomboys, ils prennent de la drogue. Oui. C'est le principal critère. C'est le principal critère pour être un Tomboy. S'ils vous acceptent pas, sinon, dans les Tomboys. Maintenant, on va peser sur play. Et d'ailleurs, je vous rappelle que ce que vous entendez ce soir est une sélection en partie de vinyles qui viennent de la collection personnelle de Catherine. Oui. Et de MP3 qui viennent de la collection personnelle des 0 et des 1. Oh. De la vie. C'est comme ça. C'était-tu la première tune? Qu'est-ce que tu voulais qu'on mette, hein? Celle-là. Exactement celle-là. Félicitations. C'était bon. Mais on va passer à autre chose. On va arrêter de vivre dans le passé, puis on va écouter du fuzz pour vous réveiller ce matin, parce qu'il est 5h15, hein? Puis d'ailleurs, j'aurai un pop quiz dans le futur pour les gens qui nous écoutent, mais il faut rester en ligne encore un peu. Donc, pour en revenir à fuzz de l'album Fuzz 2, on va écouter Let It Leave, parce que moi, j'aime ça, les motards. Parce que c'est de la musique de motard, vous trouvez pas? Moi, je pense que oui. Mais pour parler un peu plus de fuzz pendant que le vinyle se met en place, c'est un des nouveaux projets. C'est pas nouveau. Un des nombreux projets de Ty Segall. Qui est d'habitude pas drummer, mais là, il est drummer. Trees bending through the light rays. Aha! Après Fuzz, on a directement enchaîné avec Ty Segall. Non, en fait, on pas directement enchaîné avec Ty Segall, mais on va après celle-là enchaîner avec Ty Segall. On a entendu après Fuzz, c'était plutôt Paul Jacobs, et là c'est Hot de Montréal encore, comme Paul, et Pieces Wasted, la pièce tirée de Room Inside the World. The time is like a strobe light. Better get to drinking. I don't wanna miss a thing. It's taking older. You wanna get to know them. Swim with the best. And you don't wanna miss a thing. Catherine, c'était pas ce que tu as choisi, mais on va écouter ce que tu as choisi. Oui, en fait, juste avant cette chanson qui vient de jouer, c'était Paul Jacobs, je voulais juste le rappeler. Oui, oui, oui, exactement. Hein. Parce qu'il est aux nuits cette nuit. Il est aux nuits cette nuit. Il est la nuit des nuits. C'est une nuit qui parle des nuits. Voilà. Et les nuits, c'est d'autres nuits que cette nuit. Mais c'était proche. Oui, donc, je vous avais parlé d'un pop quiz dans l'autre segment publicitaire. Puis, en fait, j'aimerais savoir, moi, si les gens qui nous écoutent en ce moment, ils se lèvent ou ils se couchent. Un sondage démographique. Alors, appelez-nous en studio au 418-640-1586 et cette fois-là, on va essayer de répondre parce que l'autre téléphone est débranché. Oui, puis moi, je comprends rien. Fait que j'ai pas pu répondre. La téléphonie fixe pour les gens modernes, nés après 1990. Mm-hmm. Non? Désolée. En tout cas. Fait que la pièce, oui. Tu te rappelais plus du nom, tu disais c'était un complot. C'était un peu un complot, hein, parce que moi, je suis un peu trop honnête, je révèle ces choses-là. Donc, alors, tu vas nous dire le nom de la pièce. Oui, on est... ben, en fait, je voulais juste aussi vous dire avant que c'était Ty Segall pour faire suite à Foz qui n'est pas directement consécutive. Oui, exactement. Parce que Ty Segall est le guitariste de Ty Segall. Il porte le même nom que le groupe qui porte son nom. C'est comme tout est dans tout, et dans tout, et dans le ballonné. Puis le ballonné, il est dans moi. Non, c'est une chanson du Monde dans le feu que je vous chantais là, presque. Mais donc Ty Segall? Oui, Ty Segall qui reprend du T-Rex. T-Rex. Donc, de l'album T-Rex, exactement. Puis la chanson s'appelle... Je m'en souviens plus. First Heart, Mighty Down Darth. C'est vrai que c'est bizarre. Et tout comme le Super Timor, les sélections de Catherine sont toujours le numéro 1. J'aime ça. Ah! nuit psychédélique. On écoutait quoi donc? Ty Segall. Oui, et là on va écouter quoi donc? J'ai aucune idée, dis-moi. The Monks. Tu connais The Monks? Non, parle-moi d'un. C'est un groupe un peu proto-punk qu'on dit. Mais là, il y a des cuivres, on dirait. C'est comme des mariachis. Peut-être qu'ils ont eu un contrat pour un mariage. D'ailleurs, The Monks, c'est religieux. On y revient au mariage, hein, un peu. Il y a un lien, c'est un concept. Un nouveau concept. C'est un groupe qui a un album qui s'appelle Black Monk Time, sorti, je pense, en 67 ou 69. Et là, ils viennent sortir un petit EP de recordings de 67 fait à Hambourg. Et la pièce Yellow Grass s'y trouve. Et The Monks, si vous voulez les reconnaître, ils portent à peu près ma coupe de cheveux. Mais eux, c'est par choix. Et moi c'est bien correct aussi, hein, ça me dérange pas du tout, là, je dis ça comme à la blague, là, parce que c'est comme ça. Pour les gens qui ne m'ont pas vu, je fais de la calvitie, c'est le mot de l'heure. The Monks avec Yellow Grass, exactement, du gazon jaune, hein, c'est l'heure du gazon jaune bientôt, et bientôt, ça paraît pas, il fait blanc, hein? Tu trouves-tu qu'il fait blanc? Je trouve qu'il fait trop blanc. Ben, il va faire encore blanc pour quelques jours. Oh, la météo, des nuits oui, psychédéliques. La météo psychédélique. Il va pleuvoir de l'acide de toutes les couleurs. Après The Monks. On met quoi d'après The Monks, hein? Si tu veux, un petit single de D.O.C.'s. Un petit single de D.O.C.'s? Ben oui, ça serait bon. Puis pour vous préparer tout ça, je vais vous mettre une autre tune de The Monks. Parce que d'habitude, il faut dire que The Monks, ils chantent, hein? Puis là, ben, ils chantaient pas. Non, il y avait des trompettes. C'est juste nous qu'on a parlé. Comme c'était pas nous les chanteurs des The Monks, des chanteuses non plus. Mais on va mettre de l'autre musique. Et de cette musique, ce sera du québécois. C'est Paul Piché avec « Je me chauffe la graine ». Bon, il paraît que P.A. l'a mis tantôt. On peut pas la remettre. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Mais le printemps n'est pas encore là d'ailleurs. Et on va mettre quand même la pièce Grenouille slash Clope, qui est une pièce de Zouz. Zouz qui partageait la scène avec Fudge, avec deux U. Zouz, il y a juste un U, mais il y a deux Z. Et il y a quatre chansons sur le EP, me semble, dont Grenouille Clope. Et ben, c'est ça qu'on va aller écouter là. Donc, on enchaîne avec T. qui aussi, comme on a mentionné plus tôt, est le single « What You Need », que vous pouvez trouver sur un album compilation de singles de D.O.C.'s. Magnifique. Yay! Catherine, elle a dit qu'on allait écouter la cinquième toune. Mais moi, j'ai décidé de mettre aussi la quatrième, Burning Spear de Sonic Youth, mais par D.O.C.'s. Puis, ben, la cinquième, c'est What You Need, là. Elle va jouer bientôt, là. Calmez-vous. Calmez-vous! On va enchaîner ça avec Ed Schrader's Music Beat, nouvelle pièce Dizzy Devil, tirée de son album Riddles. Ed Schrader's Music Beat, c'est le projet d'un gars qui drum debout puis qui chante en même temps. On l'achète où le vinyle si on le veut à Québec? Au Knockout. Ben oui! Of my trip, I planted apple seeds and fire. So now there's no rope left to liar. Victoria tried to skip. Now the Victoria tried to skip. Now the Victoria tried to skip. Now the Victoria tried to skip. Victoria tried to skip. All of the records of my trip. I planted apple seeds and fire. So now there's no rope left to liar. Try to skip. Now the controller try to skip. Now the controller try to skip. Now the controller try to skip. Des coiffes. Donc on enchaîne ça avec un band avec, je crois, le meilleur nom qui existe. On vous enchaîne ça avec King Gizzard and the Lizard Wizard avec la pièce I'm in Your Mind, Fuzz. Ça s'en vient. Voilà. François Sam et moi, on parlait de Metz. Fait qu'on va vous en mettre une pièce tirée du dernier album. Le titre au nom de Mr. Plague. D'ailleurs, François Sam me disait à quel point il était cool, puis ça fait 10 ans qu'il suit, puis qu'il a acheté toutes les LP puis les EP à 7$, presque gratuit. Donc maintenant, Metz sont rendus pas mal populaires, puis c'est pas comme ça que ça marche. Plus comme ça. Fait que, il peut se vanter qu'il les connaissait avant tout le monde. Tellement hipster. Tellement hipster. Ça s'en vient. On y va. Needle drop. Ça, on va enchaîner ça avec Phase. Je crois que c'est de Montréal, mais je suis même pas certain. Des fois, je sais pas ce que je dis. Hein. Melt, c'est le nom de la pièce. Songs by Phase, c'est le nom de cette parution qui est en MP3. Ce format digital apparu à la fin des années 90, début 2000, pour révolutionner la vie de Metallica, qui était bien fâché contre Napster pendant un petit bout. Phase. We'll be right back. couper du monde et des photos par crabe. Hein? Ils veulent dire, là. Couper du monde et des photos. À quoi bon les gens? Ce qui t'attend au ciel. Yeah.